إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers frères et sœurs, le mois de Ramadan se distingue des autres mois de l'année par de nombreuses particularités, et parmi ces particularités les plus immenses, il y a le fait que c'est le mois durant lequel grand nombre de personnes reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala par le repentir. Après avoir passé des mois, ou peut-être même des années, dans l'insouciance, ainsi que dans les péchés et les mauvaises actions, nombreux sont ceux à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois, espérant ainsi le pardon de leurs péchés et de leurs mauvaises actions, chacun en fonction de sa situation. Car, comme vous le savez, nous faisons tous des péchés. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, « Tous les enfants d'Adam font des erreurs, et les meilleurs parmi ceux qui font des erreurs sont ceux qui se repentent. » Les erreurs et les péchés sont donc inévitables, chacun à différents degrés. Mais l'essentiel pour le serviteur lorsqu'il fait un faux pas est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir. Il se peut que parmi les gens, certains aient commis du shirk, du polythéisme, comme l'invocation d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le sacrifice pour autre qu'Allah, comme le sacrifice pour les morts, pour les djinns ou pour les mausolées, les saints ou les walis, et qu'ils souhaitent maintenant se repentir de ce grave péché et vouer leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il se peut que d'autres aient été négligents dans l'accomplissement de leurs prières obligatoires, qu'ils les aient délaissés ou qu'ils aient pris l'habitude de les faire sortir de leur temps, et qu'ils souhaitent maintenant se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala de ce péché et être assidus à leurs 5 prières en les accomplissant tout en leur temps et en le faisant suivre de nombreuses prières surrogatoires pour se faire pardonner. Il se peut que d'autres aient été négligents concernant la zakat, qu'ils refusaient de la sortir, que ce soit par avarice ou peut-être même simplement par négligence, et qu'ils souhaitent maintenant se repentir et se corriger en versant leur zakat obligatoire pour les années passées. Et il se peut que d'autres aient commis toutes sortes de péchés, comme le vol, la consommation de boissons enivrantes, ou de produits stupéfiants, la malfaisance envers les parents, l'injustice envers les enfants, envers le mari ou envers l'épouse, la nuisance au voisinage, le mensonge, la calomnie, la médisance, le colportage, et autres parmi les péchés qu'il peut arriver aux musulmans de commettre parmi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Et quel que soit le péché que tu as commis, quel que soit le nombre de mauvaises actions dans lesquelles tu es tombé, tu dois savoir avec certitude que si tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère, alors tu es en droit d'espérer le pardon de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Innahu huwa al-ghafurur rahim. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, qui avez commis des péchés, des mauvaises actions, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés, c'est vraiment lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ce verset est pour nous une invitation au repentir, pour tous les pécheurs, tous ceux à qui il est arrivé de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit mécréant ou musulman. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah pardonne tous les péchés, c'est-à-dire à ceux qui se repentent, quelle que soit leur gravité, et aussi nombreux soient-ils, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés à celui qui se repent. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, rapporte d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que des gens, parmi les polythéistes, avait commis beaucoup de péchés, beaucoup de meurtres et beaucoup de fornications. Ils se sont alors rendus auprès de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et ils lui ont dit, ce à quoi tu appelles est une bonne chose, mais peux-tu nous informer s'il y a une expiation pour ce que nous avons fait, c'est-à-dire pour les péchés qu'ils ont commis, le shirk, les meurtres et la fornication. Allah subhanahu wa ta'ala a alors révélé les versets suivants. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah, qui ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf de droit, qui ne commettent pas la fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie. Ce qui donne des associés à Allah et qui commettent ces graves péchés. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit, subhanahu wa ta'ala? Toujours en parlant de celui qui a commis du shirk, qui a commis des meurtres, qui a commis la fornication. Illa man tab, sauf celui qui se repent, il sera épargné de ce châtiment. Il ne demeurera pas éternellement couvert d'ignominie. Illa man tab, sauf celui qui se repent. Wa amana wa amila amalan saliha. Crois à la foi et accomplis une œuvre vertueuse. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. À cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Allahu Akbar. Ils commettaient du shirk, ils commettaient des meurtres, ils commettaient la fornication. Mais ils se repentent, ont la foi, font de bonnes œuvres. Allah change leurs mauvaises actions en bonnes actions. C'est-à-dire que le shirk qu'ils commettaient s'est transformé maintenant en foi. Ils ont foi en Allah et lui vouent un culte exclusif. Leurs mauvaises actions se sont transformées en bonnes actions. Et les mauvaises actions qu'ils ont commises par le passé, après leur repentir et leur retour à Allah, ils sont transformés en hasanat. Donc ceci te montre la grâce immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et suite à cette question, Allah subhanahu wa ta'ala révéla aussi le verset de Surat al-Zumar que l'on a mentionné. Il dit, oh mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Et tu peux méditer à ce sujet également sur le récit de cet homme qui avait multiplié un péché faisant partie des plus grands péchés, qui n'est autre que le meurtre. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala, rapportent d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Il y avait parmi ceux qui vivaient avant vous, un homme qui avait tué 99 personnes. » Vous vous rendez compte de ce péché gravissime. Il demanda alors, « Qui était le plus grand savant de la terre ?» Et on lui désigna un moine. Il alla le trouver et lui dit qu'il avait tué 99 personnes. Et il lui demanda s'il pouvait se repentir. Le moine lui dit aussitôt que non, qu'il ne pouvait pas se repentir. Alors qu'est-ce qu'il fit? Il le tua sur le coup et compléta ainsi à 100 le nombre de ses victimes. Puis il demanda qui était l'homme le plus savant de la terre. On lui désigna alors un homme savant. Le premier c'était un adorateur, ce n'était pas un savant. On lui désigna un homme savant. Et il lui dit qu'il avait tué cette fois 100 personnes. Et il lui demanda s'il pouvait se repentir. Méditez sur la réponse du savant. Il lui dit, « Et qu'est-ce qui pourrait s'interposer entre toi et le repentir ?» Subhanallah. Malgré ses nombreux péchés, ce péché gravissime. « Qu'est-ce qui pourrait s'interposer entre toi et le repentir ?» Ensuite il lui dit, « Va dans tel pays, tu y trouveras là-bas des gens qui ne font qu'adorer Allah. Adore Allah avec eux. » Et ne retourne plus dans ton pays, car c'est une terre de mal. L'homme se mit donc en marche, et lorsqu'il atteignit la moitié du chemin, la mort lui est venue. Les anges de la miséricorde se disputèrent alors à son sujet avec les anges du supplice. Les anges de la miséricorde dirent, il est venu repentant, dirigeant son cœur vers Allah. Et les anges du supplice dirent, il n'a jamais fait de bien dans sa vie. C'est alors qu'un ange vint à eux sous une apparence humaine. Et ils le prirent comme arbitre. Il leur dit, mesurez la distance qui le sépare de la terre du mal et celle qui le sépare de la terre du bien. Affectez-le ensuite à celle dont il est le plus proche. Ils mesurèrent et trouvèrent qu'il était plus près de la terre qu'ils voulaient rejoindre, et ce furent les anges de la miséricorde qui lui retirèrent son âme. Ce récit est très riche en bénéfices en réalité, et nous ne pourrons pas nous arrêter sur chacun des bénéfices que comprend ce récit. Mais il nous suffit ici de nous rendre compte de la grâce immense d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Quel que soit le péché que tu aies pu commettre, aussi grave soit-il, aussi nombreux soient tes péchés, tu dois savoir que la porte du repentir te reste ouverte tant que tu es encore en vie. Tu ne dois donc jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Et médite aussi sur la recommandation de ce savant, qui a dit à cet homme de quitter son pays et de se rendre dans un pays où les gens adorent Allah, et de ne plus retourner dans son pays car c'est une terre de mal. Et ceci nous indique l'importance pour celui qui veut compléter son repentir, d'émigrer en terre d'islam, afin de vivre avec les musulmans et de pratiquer sa religion comme il se doit, sans embûches, sans complications, sans difficultés que tu peux rencontrer en terre de mécréance. Et ceci fait partie de la perfection du repentir, de quitter la terre de polythéisme et de mécréance et de se rendre en terre d'islam pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec les musulmans. Chers frères et sœurs, nos péchés sont nombreux, nos manquements sont nombreux, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que si nous voulons la réussite et si nous voulons récolter le succès, alors nous n'avons qu'à nous soumettre à son ordre et nous empresser de nous repentir. Il dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre, wa tubu ila Allahi jami'a ayyuhal mu'minun. Et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, ainsi vous obtiendrez le succès. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime les repentants. Il dit subhanahu wa ta'ala, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il se réjouit du repentir de son serviteur. Les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, rapportent, d'après Anas, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que l'un d'entre vous qui retrouverait sa monture après l'avoir perdue dans une terre désertique. Et dans une autre narration rapportée par l'imam Muslim, rahimahumallahu ta'ala, il a dit, Certes, Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur lorsque celui-ci se repent à lui que l'un d'entre vous dont la monture, s'échappe, emportant avec elle sa nourriture et sa boisson, alors qu'il se trouve sur une terre désertique. Désespéré, il finit par s'allonger à l'ombre d'un arbre, en ayant perdu tout espoir de la retrouver. Et alors qu'il se tient ainsi, voilà sa monture qui se présente à lui. Il la saisit alors, puis s'exclame de joie. Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Il se trompa à cause de l'intensité de sa joie. Tellement il est heureux de retrouver sa monture qu'il se trompe et il prononce cette parole. Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Voulant dire l'inverse. Tu es mon Seigneur et je suis ton serviteur. Médite donc sur la situation de cet homme qui perd sa monture, qui porte sur elle sa nourriture et sa boisson. En la perdant, il ne peut plus continuer son chemin. Et il risque de mourir, car il se trouve dans une terre désertique, il n'a plus de monture, plus de nourriture, plus d'eau, et il ne peut pas continuer son voyage. Alors il s'assoit pourquoi? Pour attendre la mort. Imagine cette situation difficile, cette situation de désespoir. Et imagine-toi après cela, la joie de cet homme lorsqu'il voit sa monture revenir. Il n'y a pas de plus grande joie imaginable. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit encore plus du repentir de son serviteur qui se repent d'un repentir sincère. Et ceci nous démontre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime cette adoration immense, cette adoration qui est le repentir. Il aime cela à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, Par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et remplacé par un peuple qui commet des péchés, et ce afin qu'ils implorent le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il les pardonne. Médite sur la grâce immense de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Si nous ne faisions pas de péché, il nous aurait fait disparaître. Et nous est remplacé par des gens qui, eux, commettent des péchés. Afin que quoi? Afin qu'ils implorent le pardon d'Allah et qu'ils reviennent à lui. Et ainsi, il les pardonnerait. Et l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah subhanahu wa ta'ala, étend sa main la nuit pour agréer le repentir du pécheur de jour. Et il étend sa main le jour pour agréer le repentir du pécheur de la nuit. Et ceci durera jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala, ô mes serviteurs, vous commettez des fautes de nuit comme de jour. Et c'est moi qui pardonne tous les péchés. Implorez donc mon pardon et je vous pardonnerai. Implorez donc mon pardon et je vous pardonnerai. Comment après cela pourrais-tu désespérer de la miséricorde d'Allah? Et comment après cela pourrais-tu délaisser cette adoration immense et t'obstiner dans les péchés? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la suite du hadith al-Qudsi que l'on vient de mentionner, ô mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres que je recense pour vous, afin de vous en rétribuer pleinement. Celui qui trouve un bien, qu'il loue Allah. Quant à celui qui trouve autre chose, qu'il ne blâme que sa personne. En effet, celui qui sait que la porte du repentir lui est ouverte et qui malgré cela s'obstine dans les péchés, ne revient pas à Allah, alors celui-ci ne peut blâmer que sa personne. Profite donc de cette grâce immense. Empresse-toi de te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère. Et ne tombe pas dans les pièges du diable qui tente de te détourner de cette adoration immense. Il est rapporté dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le diable a dit, je jure par ta puissance au Seigneur. Je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps. C'est-à-dire que jusqu'à ton dernier souffle, le diable fera tout pour t'égarer, pour te faire tomber dans les péchés et le plus grave qui est le polythéisme et la mécréance. Et le Seigneur a répondu, je jure par ma puissance et ma majesté. Je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils implorent mon pardon. Médite sur la grâce immense de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils implorent mon pardon. Implorons donc le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et repentons-nous à lui d'un repentir sincère. Et ceci est une obligation pour chacun d'entre nous lorsque l'on commet un péché. De nous empresser de nous repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir de celui qui se repent. Il dit dans son noble livre, « وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى » Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se met sur le droit chemin. Ceci est donc une grâce immense de la part de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il nous a ordonné le repentir et il nous a promis qu'il acceptait le repentir de celui qui se repent et qu'il lui pardonnait ses péchés. Toutefois, tu dois savoir que ce repentir, il a des conditions. Le repentir, il ne se limite pas à la langue, il ne suffit pas de dire « je me repens ». Mais, pour te repentir d'un repentir sincère, tu dois remplir des conditions. La première condition est que ton repentir soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne délaisses pas ce péché parce que maintenant tu le répugnes. Tu ne délaisses pas ce péché par crainte de te faire prendre. Tu ne délaisses pas ce péché par crainte de tes parents ou par crainte des sanctions, d'avoir des problèmes et ainsi de suite. Non, tu délaisses ce péché pour Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah te l'a interdit. Donc, tu le délaisses pour lui par espoir de sa récompense et par crainte de son châtiment. La deuxième condition est que tu délaisses totalement ce péché et que tu t'en écartes. Tu ne dois pas dire que tu te repens à Allah subhanahu wa ta'ala alors que tu n'as pas cessé ce péché. Il y a beaucoup de personnes, ils disent « je me repens », mais ils ne délaissent pas vraiment le péché, ils le commettent encore. Non, délaisse totalement ce péché. Et écarte-toi de ce péché, écarte-toi des causes menant à ce péché. La troisième condition est que tu aies la ferme volonté, que tu prennes la résolution de ne pas commettre ce péché une nouvelle fois. Car si tu te repens alors que dans ton cœur tu as l'intention de commettre à nouveau ce péché, dès que tu en auras l'opportunité, alors ceci n'est pas un vrai repentir. Et ce repentir n'est pas accepté. Par exemple, il y a des gens, lorsque vient le mois de Ramadan, Il décide de cesser certains péchés, de faire la prière, de délaisser la cigarette ou la consommation de produits stupéfiants ou autres parmi les péchés. Mais ils ont dans leur cœur l'intention que dès que ce mois sera terminé, dès le jour de l'Aïd, ils vont replonger dans ces péchés. Ceci n'est pas un vrai repentir. Non. Repens-toi à Allah d'un repentir sincère. Délaisse ce péché durant le mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. Le Seigneur que tu adores durant ce mois, celui dont tu crains le châtiment durant ce mois, c'est le Seigneur des autres mois aussi. Toute l'année, tu te dois d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser les péchés et les désobéissances. Pas seulement durant le mois de Ramadan. Donc, prends la ferme résolution de ne plus commettre ce péché dont tu souhaites te repentir. Et s'il t'arrive de faiblir, de faire un faux pas, que par faiblesse, tu retombes dans ce péché alors que tu avais la ferme volonté de le délaisser, alors repens-toi à nouveau. Repens-toi à nouveau et Allah subhanahu wa ta'ala acceptera à nouveau ton repentir si tu en remplis les conditions. Mais l'essentiel est que tu n'aies pas dans ton cœur l'intention de le recommettre. Tu as la ferme volonté de le délaisser totalement et de ne plus jamais le recommettre. Mais si tu faiblis, repens-toi à nouveau et ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième condition est que tu aies des regrets et des remords pour ce qui est passé. Que lorsque tu penses à ce péché, tu en as peur. Tu dois regretter de l'avoir commis et ne pas t'en réjouir. Il y a certaines personnes qui ont commis des péchés et lorsqu'ils en parlent, ils s'en réjouissent. Ils s'en vantent comme s'ils étaient fiers d'avoir un passé rempli de péchés, wal'iyadu billah. Il fait partie des conditions du repentir que tu aies des remords pour ton passé, que tu regrettes de les avoir commis, et non pas que tu en sois fier et que tu t'en vantes. Enfin, la cinquième condition est que si ce péché est lié au droit d'une personne, alors tu te dois de réparer les torts causés et restituer les droits à chacun, et ce afin de compléter ton repentir. Ceci sont donc les conditions du repentir. Si celles-ci sont remplies, alors Allah subhanahu wa ta'ala acceptera ton repentir comme il l'a promis. Et tu dois savoir que celui qui se repent de son péché, alors il est comme celui qui n'a pas commis de péché, comme cela est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, ceci est un encouragement pour nous tous de nous repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, d'autant plus durant ce mois. Ce mois qui est le mois du pardon. Ce mois qui est le mois du repentir. Ce mois qui est le mois durant lequel nombre de serviteurs se font affranchir du feu de l'enfer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi eux. Je terminerai par un hadith authentique rapporté par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qui nous dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar puis il a dit Amin, Amin, Amin. Alors on lui dit, ô messager d'Allah, tu es monté sur le minbar et tu as dit Amin à trois reprises. Il voulait savoir pourquoi il avait dit cela. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, certes Jibril est venu à moi et m'a dit, celui qui atteint le mois de Ramadan et ne se fait pas pardonner et entre en enfer, alors qu'Allah l'éloigne. Puis il me dit, dis Amin, alors j'ai dit Amin. Celui qui a atteint le mois de Ramadan, ce mois immense rempli de biens et de bénédictions, et qui ne se fait pas pardonner et qui entre en enfer alors qu'Allah l'éloigne. En effet, si tu ne te repens pas durant ce mois, si tu ne te réformes pas durant ce mois, si tu ne prends pas de bonnes résolutions durant ce mois, quand vas-tu les prendre? Quand vas-tu te réformer? Quand vas-tu te repentir si tu ne le fais pas durant ce mois? Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à nous repentir, de nous aider à nous réformer et de nous pardonner nos péchés et nos mauvaises actions et de les transformer en hasanat. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.